Section 6 de Pâques d'Islande par Anatole Le Braz. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Pâques d'Islande, la nuit des feux. À Monsieur Félix Jantet. Mewel ari nos antaniu, skeli regenvras er menesio. Voici venir la nuit des feux, la grande clarté sur les montagnes. À Motreff, un soir de juin. J'y étais arrivé dans l'après-midi, vers les 4 heures, après une longue étape à travers le grand pays montueux, sous un ciel variable, qui tantôt flamboyait d'un éclat intense, tantôt croulait en averses torrentielles. Un ciel de Bretagne d'été, semi-pluie et semi-soleil. Des maigres bourgades qui hérissent çà et là de leurs clochers grêles les cimes dénudées de la Sierra bretonne, Motreff est, je crois bien, celle qui offre l'aspect le plus sauvage et le plus chétif. Quelques masures en pierre de schiste, au ton de vieille lave, se pressent misérablement autour d'un cimetière surélevé formant terrasse, où l'église, parmi les tombes, semble elle-même une tombe plus vaste, enfouie qu'elle est à demi dans le sol et coiffée d'un toit trop lourd, avec des fenêtres basses, à ras de terre, pareilles à des soupiraux, point de rue, mais d'étroits chemins, ravinés comme des lits de torrents, devant les seuils, du fumier, des bêtes, des enfants. Les hommes devaient être au champ, sans doute à retourner les foins. Les femmes devisaient, entre elles, d'une porte à l'autre, celle-ci tricotant, celle-là filant, leurs grands fuseaux de laine brune couchés dans la poussière à leurs pieds. Le matin, à Châteauneuf, un ami m'avait prévenu. Il n'y a dans Motreff qu'une hôtellerie qui vaille, c'est le presbytère. Et il m'avait remis une lettre d'introduction auprès du recteur. Le meilleur des hommes, ce vieux prêtre, avait-il ajouté. Un paysan lettré, très naïf de cœur et très fin d'esprit. Une âme délicieuse, tu verras. À l'entrée du bourg, j'étais tombé au beau milieu d'un troupeau de fillettes. C'était l'heure de la sortie de l'école, chez les sœurs. Elles s'en allaient, posément, leurs livres sous le bras, vêtues du même accoutrement que leur grand-mère, ayant, au reste, avec leurs traits de gamine, une étrange gravité d'aïeule. J'avisai l'une d'elles, jolie à ravir dans son serre-tête brodé et sa guimpe blanche, les yeux couleur de temps clair, comme dit une chanson de ces montagnes, et je lui demandai « Ar prispitor, marpli, merhic !» « Le presbytère, s'il vous plaît, petite fille !» Elle consulta du regard ses compagnes, puis, après un instant d'hésitation, s'enhardissant tout à coup, « Vous ne trouverez jamais tout seul, » fit-elle, dans leur parler de là-haut, un peu âpre, comme les sommets de ces cantons pierreux, baignés d'air vif. « Je vais vous conduire. » Le fait est qu'avec les indications même les plus précises, j'aurais pu errer longtemps aux abords du presbytère de Motreff, non seulement sans en découvrir l'accès, mais encore sans me douter qu'il subsistât un logis quelconque, habitable pour un être humain, parmi la jonchée de ruines où je m'engageais sur les pas de la fillette, après je ne sais combien de détours dans les ruelles du village. C'était derrière l'église, dans un enclos entouré par places de pans de murs délabrés, plantés d'arbres poussés au hasard. Un sentier serpentait dans l'herbe, à droite et à gauche gisaient des troncs monolithes, des chapiteaux de colonnes brisées, un pignon solitaire, débris d'un sanctuaire inachevé, à ce que j'appris plus tard, laissait par son ogive veuve de vitraux voir sur le ciel lointain le défilé processionnel des nuages. Les travaux, commencés vers 1789 et interrompus pendant la Révolution, n'avaient plus été repris depuis lors. Dans la partie inférieure s'ouvrait une espèce de porche enguirlandée de lierre et de chèvrefeuille, et que fermait mal une clef vermoulue. Soulevez le loquet, me dit la fillette. « Ici, c'est la cour. Passez la meule de paille, vous suivrez la charmille. La maison est au bout. » Et, sans attendre mon remerciement, sans prendre garde à la menue monnaie que je lui tendais, elle me tira les mains en croix sur la poitrine, la révérence que les sœurs lui avaient enseignée, et, légère comme un cabri, elle disparut dans le feuillage. 1. Un soir de juin, à Motreff. Nous avions fini de dîner dans la grande salle, aux boiseries de chêne luisant, où le couchant allume des reflets de cuivre. Une ombre douce descend du plafond sur la figure chagrine de Pie-IX, sur la figure narquoise de Léon XIII, dont les portraits se font pendant de chaque côté de la pièce. Léna, la gouvernante, l'antique Karabassen, dessert sans bruit de son allure rapide et ouatée de chauve-souris. Et voici qu'elle apporte les liqueurs, du cassis, de sa fabrication, une autre encore qu'elle est seule à bien réussir. De la prunelle, cher monsieur. Hein, quel bouquet! Ça sent le fruit sauvage, cueilli à même la haie. Respirez-moi ce parfum. Il me comble de prévenance, l'excellent recteur. Nous trinquons à la mode des gens d'église, avec le doigt, sans choquer les verres. Le vicaire, lui, ne boit pas. Il souffre de l'estomac, la maladie du jeune clergé, observe malicieusement le vieux prêtre. Et, revenant à ce qui fait le sujet de notre entretien, au cours du repas, « Ça, oui, ils sont restés fidèles aux vieilles coutumes, mes paroissiens. L'autre jour, ils ont merveilleusement fêté Saint-Jean. Mais, on vous a bien renseigné, ce sont les feux de Saint-Pierre, surtout, qui sont admirables. Saint-Pierre est un peu notre patron. La chapelle, que le malheur des temps n'a permis de construire qu'à moitié, lui devait être consacrée, et les ruines en sont désignées par son nom. Nos montagnards l'y viennent prier dévotement, dès qu'un de leurs proches parents se trouve en danger de mort. Ils s'agenouillent sur les pierres éboulées, invoquent le portier du ciel, réclament ses bons offices pour l'âme qui va comparaître au tribunal de Dieu. Ils lui apportent en offrande de la bouillie d'avoine, son mets de prédilection, affirme-t-il, à l'époque légendaire où il voyageait en Basse-Bretagne. Car il a visité ce pays, escortant par les bourgades son maître divin. On cite des fermes où ils couchèrent. On montre sur les rochers des Landes l'empreinte toujours visible de leurs pas. On raconte même à leur propos des anecdotes rustiques, dont les évangiles ni les actes des apôtres ne soufflent mot, mais que je n'ai pas l'air de mettre en doute quand on m'en parle. Il ne faut pas affliger les braves gens. Gageons que vous ne connaissez pas l'histoire du saint devenu faucheur. Elle est brève, je veux vous la dire. C'était justement dans le mois où nous sommes, le mois de la fenaison. On fauchait à Rosivinou, il faisait une chaleur accablante. Jésus-Christ et Saint-Pierre passaient par là, exténués, mourant de soif. Ils aperçurent dans les prairies une jeune servante qui, une cruche de cidre sur la tête, allait porter à boire aux faucheurs. Ils la suivirent, et quand ils furent arrivés auprès des hommes, « Ayez pitié de deux pauvres pèlerins, dit le Christ. Si vous ne leur faites l'aumône d'une goutte de cidre, ils vont périr de chaleur et de fatigue. » « Soit, répondirent les faucheurs, mais à une condition, c'est qu'avant de vous remettre en route, vous nous donnerez un coup de main. » Rien de plus juste, répartit Jésus. Et, après qu'ils se furent désaltérés, il dit à Pierre, « Montre à ces braves gens ton savoir-faire. » « Mais, Seigneur, objecta le saint, embarrassé, vous savez bien que je suis pêcheur de mon état et que je n'ai jamais fauché. » Jésus sourit. « Bah, fit-il, tu t'en tireras peut-être mieux que tu ne penses. » Pierre se résigna, saisit une des faux qui était là, appuyée au talus. Il s'y prenait fort mal, et les faucheurs se moquaient entre eux de sa gaucherie. Ils ne se moquèrent pas longtemps, car la faux n'eut pas plutôt touché l'herbe que, s'échappant des mains de Pierre, elle s'élança comme vivante, décrivant de larges courbes, promenant d'un bout à l'autre de la prairie le vif éclair de son tranchant d'acier. En un clin d'œil, tout fut fauché, et proprement, je vous prie de le croire. Voilà. Cela est conté d'un ton de douce bonhomie, par petites phrases, tout en sirotant la prunelle, sous les regards croisés des deux papes, dans la salle basse où des insectes de nuit, entrés par la fenêtre ouverte, commencent à voleter. Et l'on sent que le recteur de Motreff se délecte ingénument à ces vieux récits, qu'il en goûte la saveur populaire, le charme fruste et patriarcal. Il a conservé la simplicité de cœur d'un fils des champs qui, comme il dit lui-même, a gardé les moutons avant de devenir pasteur d'hommes. Mais voici Léna. Elle accourt de son menu trot silencieux. « Monsieur le recteur, Pierre Tanguy est là, qui vous demande de bénir la première gerbe pour le feu de Croaz-Ouarn. » « Parfaitement, Léna, parfaitement. » Il en a déjà béni 25 autres, dans l'après-midi. Au milieu de la cour, un paysan de fière stature est debout, tenant un fagot d'ajonc sec, fixé aux pointes d'une fourche. « Eh bien, Pierre, tu vas, je pense, faire un beau tantade. » Note, bûcher, fin de note. En l'honneur de ton parrain céleste, s'informe le prêtre en signe de bienvenue. Si le temps ne se couvre pas trop, on le verra sûrement de toute la montagne, monsieur le recteur. Et de tout le ciel, Pierre Tanguy, de tout le ciel, tu m'entends. L'homme s'est agenouillé, le pied de sa fourche planté en terre comme la hampe d'un drapeau. Le recteur, du geste, dessine une croix dans l'air et prononce sur la gerbe d'épines les paroles de la bénédiction. Et cette humble scène, dans cet humble décor, a je ne sais quelle grandeur religieuse et familière tout ensemble qui vous reporte aux premiers âges du christianisme naissant. L'orémus terminé, le prêtre ajoute, en breton, « Qu'elle brûle, ô éclair, Pierre Tanguy !»« Mille grâces, monsieur le recteur !» Et le gars s'en va, dans le crépuscule, rejoindre les compagnons qui l'attendent, chargés de faits de branches, de fougères, sous les murs de l'enclos. Maintenant, leurs sabots retentissent dans le chemin caillouteux. Des sentiers de la lande, d'autres débouchent, viennent grossir la troupe, et la montagne, tout à coup déserte, s'anime, mystérieusement. Par intervalles, ils poussent un grand « Youh !» que repercutent les échos lointains. C'est le cri breton, mélancolique et sauvage. Il suffit à exprimer toutes les émotions de cette race primitive chez qui l'allégresse même a de longues résonances tristes. À l'entendre, ce soir, je songe aux nuits d'il y a 100 ans et je ne puis me défendre d'une sorte de terreur rétrospective. Que de fois il a dû troubler ainsi le silence quasi tragique de ces parages, modulé sinistrement d'une cime à l'autre par des chouans à l'affût. 2. Je vous conseille d'opter de préférence pour le feu de Croaz-Warn, m'a dit le recteur. D'abord, le site est vraiment grandiose. Vous dominerez de là-haut les croupes rebondies du Ménez, à qui pourraient s'appliquer les paroles du psalmiste « Et exultaverunt montes sicut arietes ». De plus, le clan d'alentour, très populeux, est réputé pour organiser les plus beaux tantades. Nul doute que cette année encore, il se pique d'honneur, car l'esprit local y est d'une ferveur jalouse qu'en maintes occasions j'ai dû modérer. Vous m'excuserez si je ne vous accompagne point. Je vous serais un empêchement plutôt qu'une société. Et, avec ma vue déclinante, je risquerais fort de laisser mes vieilles jambes dans les aspérités de la route. Mais monsieur le vicaire se fera certainement un plaisir de vous servir de guide. Une fois passé le premier quart d'heure pénible de la digestion, monsieur le vicaire se révèle un très aimable homme. Il est chasseur, pêcheur, fumeur, causeur aussi, mais seulement au grand air. Quand Léna, du fond de la cuisine, lui a proposé une lanterne, à cause du temps qui s'est assombri, il a refusé. Il connaît la montagne, comme sa poche. Il l'a faite, si souvent de jour et de nuit, par la neige et par le brouillard. Sitôt hors du presbytère, il trousse sa cotte, pour employer son expression, et noue sa ceinture par-dessus. À son poing, il balance un penbase, un dur bâton de houx, assujetti par un cordonnet de cuir. C'est une arme dont il est bon de se prémunir quand on a, comme c'est notre cas, à franchir des aires de ferme où, d'habitude, les chiens sont lâchés après le coucher du soleil. Léna avait raison de dire que nos yeux nous seraient d'une médiocre efficacité pour nous conduire. Non que l'obscurité soit épaisse, il flotte au contraire sur les choses une lumière vague et diffuse, une espèce de clarté grise uniformément épandue. Tout est fondu, vaporisé. Le profil indécis des monts ondule en pâles estompes sur le ciel noyé. Cela donne l'impression d'un paysage sous-marin. Les brumes ont de lents remous de houle profonde. C'est une atmosphère molle, fluide et très mystérieuse. Je vais là-dedans, à l'aveuglette. Il me semble, non pas que je marche, mais que je nage. Et, n'était le vicaire, je crois bien que je ne nagerai pas longtemps sans sombrer. Heureusement, il est là pour me crier casse-cou, au besoin pour me tendre la main, qu'il a solide. Attention, nous dévalons dans le ravin. Je m'en doute un peu, le chemin se creuse et se rétrécit. De chaque côté, des parois de schiste de plus en plus hautes forment couloir. Je m'y cramponne dans les endroits périlleux de la pente pour ne pas tomber. Le vicaire, qui a fait des humanités au collège de Lesnevin, me lance une citation de Virgile dont il retourne le sens. « Aut facilis descensus averni ». Et il rit. C'est l'effet du grand air. Ce sport nocturne l'a mise en gaieté. Une éclaircie. Les noires murailles de pierre s'écartent, s'abaissent, s'évanouissent. À l'ornière inégale, hérissée de véritables stalagmites, succède un tapis moelleux, d'une fraîcheur humide, odorante, toute parfumée d'une senteur de foin coupé. Nous traversons les prés, ceux de Rosivinou, justement, où Saint-Pierre but du cidre et fit voir aux gars de Motreff une manière nouvelle de faucher. Sur l'autre versant, la pente est moins raide et le sentier zigzague à fleur de sol dans de vastes genêtaies. Puis ce sont des champs de seigle, de luzerne, de colza. Des métairies bombent leurs toits de chaume sous des bouquets d'arbres bizarrement tordus. Elles sont vides, silencieuses, toutes lumières éteintes. Les gens sont montés au tantad. Parfois un molosse bondit hors de sa niche en aboyant, mais il n'a pas plutôt flairé la soutane de mon compagnon et reconnu sa voix qu'il regagne sa litière, la queue basse. Le prêtre, partout ici, est de la maison. Parfois aussi, dans les pâtis qui avoisinent la ferme, une figure apocalyptique se dresse, démesurée, monstrueuse, traînant un bruit de ferraille. Et c'est quelque cheval entravé qu'on a laissé paître, à l'air libre, selon la coutume du pays, en cette saison. À mesure que nous nous élevons dans la montagne, nos oreilles perçoivent là-haut un murmure de plus en plus distinct. Il y a foule sur le sommet. On dirait le bourdonnement d'une ruche immense. Des appels se croisent. Des nourrissons, arrachés à leur premier sommeil, pleurent au bras de leur mère. Un troupeau de vaches, épars dans une lande, à peu de distance du lieu du tantad, pousse des meuglements affolés. Les foires du Moyen-Âge, où les transactions se prolongeaient jusqu'au cœur de la nuit, ne devaient pas offrir un spectacle plus barbare, ni des contrastes plus saisissants. Les rangs s'ouvrent devant nous. On salue respectueusement le vicaire, on l'apostrophe à la façon bretonne. « Ah, vous êtes venu aussi, monsieur le curé ?» Le brouillard s'est allégé, le paysage se dessine. À la crête du mamelon, sur un piédestal de roche brute, apparaît le tronçon mutilé d'une croix. La partie supérieure manque. Il ne reste d'intact que le fût de granit et les branches. Cela ressemble à quelque gigantesque idole décapitée. C'est ce calvaire qui a fait donner à la cime son nom de Croazwarn. Un seigneur, dit-on, l'érigea en expiation dont ne sait plus quel forfait. Mais il est plus probable qu'il fût élevé, comme tant d'autres, pour désaffecter, en quelque sorte, et sanctifier un haut lieu, voué de temps immémorial à d'antiques superstitions païennes, dont la cérémonie qui se prépare n'est elle-même qu'un lointain ressouvenir. Le bûcher occupe une esplanade gazonnée, un peu en avant de la croix. On n'a pas encore fini de le construire, d'autant plus qu'à tout moment survient quelque nouvel arrivant, homme ou femme, garçon ou fillette, ployant sous un fardeau de bois mort. Debout au faîte de l'énorme meule, Pierre Tanguy détache sur le ciel sa belle carrure de montagnard, à la fois élégant et robuste. Il est tout à sa besogne, j'allais dire, à son ministère. « Voyez-vous, me confie un paysan, il n'y en a pas deux comme lui pour vous camper un tantad. C'est de famille, chez ces Tanguy. » Nous nous asseyons, sur une roche, à regarder faire ce représentant d'une tradition sacrée. Et c'est vrai qu'il y met une sorte d'art, disposant les fagots avec une adresse tranquille, sans hâte, d'un geste sûr. Deux aides, postés sur une échelle, lui passent les gerbes d'ajoncs, les brassées de genêts, de bruyères flétries, de fougères. Par instant, il se penche pour crier « Allons, ceux d'en bas, il y a encore de la place !» Ou bien il fouille du regard les profondeurs brumeuses et, si la silhouette de quelque retardataire surgit sur les rebords du plateau, il jette le cri de ralliement, le « hiou » sauvage, dont l'accent fait frissonner, quelque part qu'on l'entende. Mais à qui le mystère de cette solitude, l'étrangeté de ces groupes assemblés pour des rites aussi vieux que le monde, prête je ne sais quoi de plus farouche et de plus terrifiant. Une jeune mère s'est accroupie dans l'herbe, près de nous, pour allaiter son enfant. Elle lui chante à mi-voix, sur un ton de mélopée, une berceuse qu'elle improvise avec cet instinct du rythme, familier à tous les Bretons, mais plus encore aux Bretonnes. Le sens, sauf quelques mots qui m'ont échappé, est celui-ci. Il est venu, l'enfantelet, le petit Joson. Il est venu avec sa mère sur le Ménez de Croazwarn. Et ses petits yeux verront le grand feu qui monte dans le ciel. Et, parce qu'il aura vu le grand feu, il grandira, il deviendra fort. Et la grâce de Saint-Pierre sera sur lui. Et jamais ne luira sur sa tête, jamais ne luira l'étoile du mauvais sort. S'étant aperçue que je l'écoute, elle cesse de chanter et se met à rire. « Est-ce que l'étranger comprend le breton ?» demande-t-elle au vicaire. Je lui réponds moi-même, dans sa langue. La conversation s'engage, son petit Joson va sur ses 10 mois. Il est un peu faible des reins, Elle l'a baigné dans les fontaines saintes, à la source de Notre-Dame de Crâne, à celle de Notre-Dame de Cléden. Mais la faiblesse a persisté. Alors les anciens de chez elle lui ont conseillé de faire faire à l'enfant le tour du feu de Saint-Pierre par 3 fois et de lui frotter ensuite les reins avec une pincée de cendre chaude. Mais en attendant, ne craignez-vous pas qu'il prenne froid ? Ma question l'étonne et presque la scandalise. Est-ce qu'on n'a jamais vu un enfant, fût-il âgé seulement de quelques heures, prendre froid la nuit des feux ? Une vieille qui s'est approchée dit « De mon temps, les paralytiques se faisaient transporter jusqu'ici, sur une civière, quel que fût l'état du ciel. Et il y en avait qui jetaient leurs béquilles dans le brasier, assurés qu'ils n'en auraient plus besoin, tant était grande leur foi en Saint-Pierre et dans la vertu de son tantade. N'est-ce pas la vérité vraie, ce que j'affirme là au gentilhomme ? Parle, Marie-Renée !» La commère dont elle invoque le témoignage a son mot à placer, elle aussi. Et celle-là fait signe à d'autres qui en appellent d'autres encore. De sorte que nous avons bientôt devant nous un demi-cercle compact de femmes célébrant sur tous les tons, de leurs voix claires ou chevrotantes, les mérites innombrables, la puissance sans limite de tous les feux en général, du feu de Croaz-Houarn en particulier. C'est à qui puisera dans sa mémoire les faits les plus surprenants. L'une a vu, l'autre a entendu conter, et elles s'excitent mutuellement, elles s'exaltent, elles crachent dans les paumes de leurs mains et lèvent les bras au ciel pour attester la véracité de leur dire. Le vicaire ne laisse pas de faire une mine assez embarrassée. Ils sont d'une orthodoxie suspecte, tous ces miracles attribués aux tantades. Et les récits pénétrés qu'en font les paroissiennes de Motreff ressemblent moins aux paraboles évangéliques qu'aux hymnes des Védas en l'honneur d'Agni. Fin de la section 6.